ce que l'homme est ce qu'il est, que je reste un misanthrope, que la donne n'a pas changé, que souvent la mythe trompe. On me traque à trop parler sur ces francs-maçons qui tripent, qui triquent à m'acculer, de toute façon rien à foutre. Je sais pas fuir et je suis fier d'être le fou à affronter. Sur le front je sais le faire, impertinent ou effronté, affûter tous mes vers, puis affoler mes pères. Après tout rien à perdre tant qu'il me reste le verbe. Acerber ma personne, toi-même tu sais quand tu me croises, d'une phrase je t'assomme, laisse-moi l'adverbe et la réverbe. Asservi d'aucune manière dans ce monde qui me lasse, j'ai la basse et la caisse claire, c'est dans le rap que j'ai ma place. Où seul épice que je dépose le pouvoir et ses rapaces, qu'ils sachent que j'existe et pas prêt de boire la tasse. Sur la trace des sionistes que je dénonce dans la masse, jusque le jour sans sourire et résiste quoi qu'il me fasse. Cette fois serve, 8 fois debout, à chaque jour suffit sa peine. Il est clair que je me fous si les crétins subissent ma haine. Le rap à terme qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, c'est sombre carpe diem. Voilà pour plaire ou satisfaire, les langues de bois me gênent. Y'a rien à faire dans mes affaires, c'est la voix du s'enchaîne. Le rap hardcore qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, c'est sombre carpe diem. Vendre la vie comme un livre où chaque journée est à écrire, où je m'inspire pour un futur traînant un passé de rature. Dur à subir, ça je t'assure, donc j'existe dans l'écriture. Demain sera dur, ça j'en suis sûr, c'est le présent que j'assure. Bien plus obscur car plus conscient, oui on a brisé mes rêves. La bonne étoile, moi j'y crois plus, elle est filante quand je me lève. Donc je serpente dans les ruelles, pas de sourire aux lèvres. Ouvertement je viens pourrir tous ces hommes que j'observe. Qui suis-je, dira-t-on, pour me placer au rang de juge? Celui trop pris pour un con, à qui l'on ment et que l'on gruge. Je purge encore ma peine, ma sentence et ma naissance. Enfance, adolescence, dans la souffrance, donc je m'assure. Oui je me noie plus que je nage, difficile d'atteindre la berge. Plein le derge, faut que je bouge, je deviens barge et j'ai la gerbe. J'ai le son et la feuille blanche, laisse-moi remplir la page. Mon vase n'est plus étanche, seul moyen de prendre le large. Cette fois à terre, 8 fois debout, à chaque jour suffit sa peine. Il est clair que je me fous si les crétins subissent ma haine. Le rap à terme qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, donc c'est sombre carpe diem. Voilà pour plaire ou satisfaire, les langues de bois me gênent. Y'a rien à faire dans mes affaires, c'est la voix du s'enchaîne. Le rap hardcore qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, donc c'est sombre carpe diem. Le pouvoir, la pyramide, y'a plus d'espoir, le pire arrive. À toi de voir, l'homme est cupide et croire en lui serait stupide. Les comptines, j'y crois pas, je vois l'histoire de Palestine, les crimes d'une Israël sur tout un peuple qu'on supprime. Combien d'où c'est Kim, encore que la police assassine. De skin dans le décor, encore prêt à submarine. La déprime que je déplore quand l'ouvrier n'a pas sa prime. Prisonnier de barreaux d'or, je crois qu'on en est tous victimes. L'engrenage est enclenché, donc puis sombre carpe diem. J'ai la rage dès le lever, car chaque jour est un problème. J'ai appris à me méfier, surtout de ceux qui disent je t'aime. Oui je suis un écorché, c'est tout, tu comprends le dilemme. Plus personne ne m'impressionne, j'ai enlevé les piédestals. Dans ma tête ça résonne que l'homme n'est qu'un animal. Je résiste et je persiste dans cette utopie vocale, et je signe encore ici une seule existence lyricale. Cette fois à terre, 8 fois debout, à chaque jour suffit sa peine. Il est clair que je me fous si les crétins subissent ma haine. Le rap à terme qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, donc c'est sombre carpe diem. Voilà pour plaire ou satisfaire, les langues de bois me gênent. Y'a rien à faire dans mes affaires, c'est la voix du s'enchaîne. Le rap hardcore qui sort de l'ombre pour le plaisir de la scène. Demain viendra encore, putain de sombre carpe diem.